بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 47 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid, l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafadahullahu ta'ala. التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين. Donc, le Cheikh maintenant il explique, on est toujours dans le hadith, hein, dans le hadith, le long hadith qui a été rapporté dans le chapitre Bab Man Haqqaqa At-Tawhid Dakhala Al-Jannah Bighayri Hisabin Wala Adhab. Et c'est le long hadith qui est rapporté par Saïd ibn Jubayr. Et il explique ici yani cette partie du hadith où, après avoir vu la Ummah de Moussa, alayhi salam, une immense masse, une immense foule, hein, d'êtres humains, et ensuite le fait d'avoir vu aussi différents prophètes, certains d'entre eux avec des petits groupes, certains avec des groupes de moins que 10 personnes, certains avec une ou deux personnes seulement qui les ont suivis, et d'autres prophètes qui viennent, qui marchent seuls, c'est-à-dire il n'y a personne qui les a, hein, qui les avait suivis. Donc ils marchent seuls. Hein? Donc après avoir vu ça, c'est, voilà que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voit maintenant une autre masse de d'êtres humains, une foule, hein, de personnes plus grande encore, une immense masse de personnes. Et c'est à ce moment-là, hein, que qu'on lui montre justement la Umma de Moussa alayhi salam, comme j'avais dit au début. Donc on est arrivé à cette partie-là du hadith maintenant. Donc le Cheikh dit wa qawluhu iz rufi'a li 'azimun, hein, sawadun 'azimun, fa dhanantu annahum ummati, fa qila hadha Musa wa qawmuhu fihi fadilatu atba'i Musa min bani Israil mimman amana minhum bir rusul wal kutub allati anzalaha Allah wat tawrah wal injil waz zabur wal furqan wa ghayriha. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. Donc ici le cheikh il explique, hein, il explique, bon, ثم حدث ما حدث من اليهود. Il dit وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله كحزب جالوت وبختنصر وأمثاله ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم. Donc ici le cheikh il explique, hein, qu'il a vu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu une immense foule de personnes, une grande masse noire, hein, immense, tellement il y avait des êtres humains réunis ensemble, hein, on ne peut pas les distinguer à la distance, donc ça donne l'impression que c'est une immense masse, hein, qui avance. Il a dit, j'ai cru que c'était ma umma, mais on m'a dit, ceci est la umma de Moussa, hein, j'ai cru que c'était ma nation, mais on m'a dit, non, ceci est la nation de Moussa, hein, c'est Moussa et son peuple. Donc le prophète Moïse, alayhi salam. Et il dit, et ça c'est pour, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique que ça c'est pour montrer l'excellence et le mérite de Moussa et des fils d'Israël parmi ceux d'entre eux qui ont cru aux messagers et aux livres que Allah a fait descendre. Parmi ces livres-là, la Torah, hein, l'Injil, l'Évangile, Az-Zabour, les psaumes, hein, et Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le Coran, et d'autres également. Et il dit ensuite, le cheikh, que Banu Israël, avant la division, ils étaient nombreux. Hein, et il y avait parmi eux beaucoup de prophètes. Puis après, ce qui est arrivé chez les Juifs, et le cheikh, il explique par rapport à ça, qu'est-ce qui est arrivé, il dit, « Awwaluhum ala al-haq, wa kanu yu'minuna billahi wa bi rusulihi wa bi kutubihi, lakin al-muta'akhirina minhum harrafu wa ghayyaru wa baddalu, wa ankaru nubuwata Isa alayhi salam, wa nubuwata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa ha'ula, wa in kanu min bani Israel, fa innahum kuffarun min ahli an-nar. » فإنهم كفار ومن أهل النار والفضل إنما هو لمن سبقوا منهم على الإيمان والتوحيد. Donc le cheikh explique que ce qui est arrivé en fait, c'est que les premiers parmi les fils d'Israël, ils étaient sur la vérité. Hein? Ils étaient croyants en Allah et en ses messagers et en ses livres. Mais que par la suite, ceux qui sont venus après ont déformé et ont falsifié et ont changé et ont renié hein, la prophétie de Jésus et la prophétie de Mohammed, alayhi as-salatu wassalam. Donc ces fils d'Israël-là, eux, sont des kuffars. Et ils seront parmi les habitants de l'enfer, parce qu'ils ont renié la prophétie et les livres. Et en ce qui concerne l'excellence hein, de ceux qui ont précédé parmi eux, ça c'est uniquement à cause de leur foi. Vous voulez qu'on vous ouvre la porte? Donc c'est ça, les premiers d'entre les fils d'Israël, hein, Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés à tous les autres dans ce monde, à cause de leur foi et parce qu'ils ont accepté le tawhid. Sauf que ceux qui sont venus par la suite et qui ont rejeté le message de Isa alayhi salam et le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ceux-là, c'est clair qu'ils ne font pas partie des gens de la foi. Et le cheikh, il dit ensuite que le hadith en question, il indique et il prouve que les gens qui ont suivi Moussa alayhi salam sont très nombreux. Donc les gens, les fidèles qui ont cru en Moussa alayhi salam et qui l'ont suivi, ils sont un très grand nombre. Et il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 16 dans sourate Al-Jathiyah et dans beaucoup d'autres versets, « وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ » Et nous les avons préférés hein, sur tous les autres mondes. Donc ça, c'était à leur époque. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala les avait préférés à leur époque. C'est-à-dire que à leur époque, ainsi qu'avant eux, il y avait eu beaucoup de créatures qui avaient renié la foi en Allah. Et parmi ces groupes-là, les gens qui étaient avec Jalout, hein, Goliath, hein, et ceux qui étaient avec lui. De même que Bukhtanassor en Babylonie et d'autres également. Ensuite, le cheikh il dit à ce sujet-là, Wakanu, hein, Cheikh Al-Fawzan, il dit Wakana Banu Israël, Bizat ala l'imani billahi azza wa jal, wa aktharu ahli l'ardi ala l'kufri, falidhalika faddalahumullahu ala l'alamin. Il dit que les fils d'Israël à cette époque-là, en particulier, ils étaient sur la foi, ils croyaient en Allah, Azza wa Jal, tandis que la plupart des habitants de la terre étaient sur la mécréance. Alors, à cause de ça, Allah les a préférés sur tous les mondes à cette époque-là. Ensuite, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés, hein, il a préféré les fils d'Israël par leur foi, à cause de la foi qu'ils avaient, et donc ils étaient les meilleurs de leur époque. Fakanu afdalu zamanihim. Le cheikh il dit ليس هو مدحا لبني إسرائيل مطلقا بل هو مدح لمن سبقوا على الإيمان بالله ورسله وكتبه. Le cheikh Al-Fawzan il dit que ça c'est pas une glorification absolue des fils d'Israël, mais plutôt c'est une glorification de ceux d'entre eux qui ont précédé dans la foi auparavant et qui ont cru en Allah, en ses messagers et en ses livres. Ensuite, il dit « وَحَدَثَ فِيهِمْ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنْبِيَائِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي دِينِهِمْ وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف، قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق. Donc on va expliquer jusqu'ici. Donc le cheikh il dit, et il est arrivé, à propos des Bani Israël, des fils d'Israël, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat al-Baqarah à leur sujet, ainsi que dans d'autres sourates aussi. Et le cheikh al-Fawzan il commente ici à propos de ça en disant: min al-tahrif wa al-tabdil min al-tahrif wa al-taghyir wa al-tabdil wa al-kufr bil-rusul hada hadatha fi ma ba'd fi Bani Israël. C'est-à-dire, parmi les exemples de ce qui s'est produit chez les fils d'Israël par la suite, c'est les exemples de déformation, de changement et de falsification de la religion, et le fait d'avoir renié les messagers aussi, et rejeté la foi en eux. Et tout ça s'est arrivé par la suite chez les fils d'Israël. Également, le fait qu'ils ont désobéi à leurs prophètes et qu'ils ont divergé dans leur religion. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné à leur sujet dans le Coran pour utiliser ça comme un argument contre les Juifs qui ont renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh il dit, alors médite et réfléchis sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet après la divergence à leur sujet, et c'est là qu'on voit vraiment la réalité de ce qu'ils sont devenus par la suite. Et il dit ensuite, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et j'ai regardé et j'ai vu à ce moment-là une grande foule de personnes. Et dans une autre narration ça dit waqad sadd al-ufuq. Qad sadd al-ufuq, c'est-à-dire ils étaient tellement nombreux que ils bloquaient l'horizon au complet, Ils bloquaient l'horizon au complet. C'est-à-dire que tu regardes de l'est à l'ouest, quand tu regardes au loin, tu ne vois que eux. Tellement leur nation est immense. Et le cheikh il explique ensuite, et la suite de l'explication, il dit: فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ. Donc ça c'est une autre masse, une autre foule de personnes qui, là, il regarde une deuxième fois, ou bien plus, il regarde encore une fois, et la umma de Moussa a terminé de passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une autre foule de personnes. Et on lui dit: voici ta umma, voici ta umma, voici ta nation. Donc ils sont tellement nombreux, que ils couvrent l'horizon, comme on l'a mentionné. Et après le cheikh il dit: فقيل لي هذه أمتك معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et donc il dit le cheikh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il dit: on m'a dit voici ta umma, on m'a dit voici ta umma, et avec eux il y a 70 000 personnes, ils entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Parmi eux il y a 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Le cheikh il dit: fafihi fadilatu hadhihi l'umma وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأ القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قلوا في آخر الزمان. وقال شيخنا رحمه الله في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية كثرة العدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. Donc on va expliquer ces différents points qu'on vient de mentionner. Le cheikh il dit alors, on a mentionné que Il y a 70 000 avec eux qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Le cheikh, il dit à ce sujet-là qu'il y a ici le mérite de cette umma et l'excellence de cette umma, et que c'est la umma qui a le plus grand nombre de personnes à avoir suivi leur prophète. Donc c'est la plus grande de toutes les nations des prophètes par rapport aux prophètes précédents. Et il dit, et à l'époque des Sahaba, ils sont très nombreux. Et à l'époque des Khulafa Rashidin, les successeurs bien guidés après, et ceux qui sont venus par la suite, ils ont rempli les villages et les villes et les différentes contrées. Et parmi eux, il y a la science, et ils ont réuni toutes sortes des différents domaines de la science et des connaissances bénéfiques. Et ils vont continuer à être présents dans cette umma et à rester sur la sunna pendant les trois premières générations préférées. Et dans la fin des temps, ceux qui s'accrochent à la sunna vont être peu nombreux ou moins nombreux à la fin des temps. Et comme le cheikh, il dit notre cheikh, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, son grand-père, il dit à propos de ça que dans les points qu'il mentionne à la fin du chapitre, il dit, il y a ici la preuve de l'excellence de cette umma dans le nombre et dans les caractéristiques. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires ici. Il dit, قَلُّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَهُمْ كَثُرُوا في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة الثلاثة، وفتحوا الأمصار ونشروا العلم في أرجاء الأرض، وتبعهم خلق كثير من العرب والعجم حتى كثروا سواد الأمة وملأوا الأرض وغالب المعمورة، ثم بعد ذلك صاروا ينقصون ويقلون. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان. Donc le cheikh, il explique que les gens qui s'accrochent à la sunna parmi la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils vont être moins nombreux vers la fin des temps, et c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a débuté de façon étrange et elle redeviendra étrange comme elle a débuté. Et donc, il y a ici l'explication du cheikh qui clarifie que à l'époque des Khulafa ar-Rashidin, des premières générations, les trois meilleures générations, eh bien, les musulmans étaient plus forts et plus accrochés à la sunna, et ils ont conquis de nombreuses contrées, de nombreuses villes, et ils ont propagé la science dans les différentes régions du monde. Et ils ont été suivis par de grands nombres de personnes, parmi les Arabes et les non-Arabes, jusqu'à ce que la Ummah devienne une immense masse de monde qui remplit la terre, qui remplit les différents pays et les différentes villes. Et puis ensuite, vers la fin des temps, les gens de la Sunna commencent à diminuer. Ils deviennent moins nombreux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith, et ils redeviendront étranges. Il redeviendra étrange comme il a débuté. Et ça, c'est vers la fin des temps, c'est-à-dire les gens qui vont s'accrocher à l'islam de façon sincère et de façon correcte vont être moins nombreux, et les gens vont les considérer comme étant étranges. Et parfois, ils peuvent même considérer que c'est des gens bizarres, qui sont différents des autres parce qu'ils s'accrochent à l'islam. Et donc, ça, c'est un des signes parmi les signes. De la fin des temps. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit ensuite, il dit, notre cheikh a dit, dans les points qui sont mentionnés à la fin de Kitab al-Tawhid, parce qu'à la fin de chaque chapitre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné dans Kitab al-Tawhid plusieurs points. Et c'est des éléments qui résument le contenu de chaque chapitre. ou les points les plus importants de ces chapitres-là. Et parmi ces points-là, qui ne sont pas expliqués dans Qurrat Uyun al-Muwahidin, mais dans le texte du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on le retrouve. Et il dit notre Cheikh. Et quand il dit notre Cheikh, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, son grand-père. Parce qu'il a lu son livre. Hein, il a lu le livre de Kitab al-Tawhid à son grand-père lorsqu'il était petit. Hein, donc c'était son Cheikh. Et ensuite, il explique que le Cheikh, il dit que parmi les biens et l'excellence et parmi les mérites de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la quantité et dans la qualité, hein, elle est dans la quantité et elle est dans la qualité aussi. Et al-kamiyya en arabe, ça veut dire le grand nombre. Et al-kayfiyya, c'est-à-dire la caractéristique et les descriptions et le commun de leur mérite. Donc il dit le Cheikh al-Fawzan al-kamiyya hi al-kathratu adad al-umma fi al-qurun al-mufaddala wal-kayfiyya ma hum alayhi min al-ilm wal-amal wa taqwa Allah azza wa jal wa naf' al-khalq. Donc il explique que la quantité, c'est-à-dire le nombre, le grand nombre, c'est-à-dire par rapport aux trois premières générations de la Ummah, et la qualité, c'est-à-dire ce qu'il possédait comme connaissance et comme pratique et comme piété et comment ils ont profité et ils ont fait bénéficier les autres créatures et les autres personnes. Donc ils sont yani, des gens qui sont meilleurs dans leur nombre et dans leurs caractéristiques aussi. Après le Cheikh, il dit wa kama fi hadha al hadith bi qawlihi wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al janna bighayri hisabin wala adhab. Et dans le hadith, il y a la mention du fait que parmi eux, il y a 70 000 personnes qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit wa fi akhir wa fi hadith akhar wa ma'a kulli wahid min as-sab'in وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ 70 ألفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Donc ici le cheikh il explique que dans un autre hadith il y a la mention que avec chacun de ces 70 000 il y a 70 000 autres personnes aussi qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Donc ça veut dire en réalité 70 000 fois 70 000, hein? 70 000 fois 70 000. Donc ça veut dire que c'est un grand nombre de personnes qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et il dit, wa akhraja l'imam Ahmad fil Musnad, ce hadith-là, c'est le hadith suivant, le hadith qui mentionne les 70 000. Pour chaque 70 000, c'est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Selon Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70 ألفا يدخلون أعطيت 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد و فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70 ألفا. Hein? قال الأرناؤوط إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي بكر رضي الله عنه والمسعود اختلط ولكن صححه الألباني بشواهده في السلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. Donc ici le cheikh il explique ce hadith là qui est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad. Selon Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a donné 70 000 personnes qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Leur visage est comme la lune lorsqu'elle est pleine, et leurs cœurs sont comme les cœurs d'un seul homme. Et j'ai demandé à mon Seigneur qu'il m'augmente en nombre, c'est-à-dire qu'il augmente ce nombre-là pour qu'il soit plus que 70 000, et il m'a augmenté pour que pour chaque 70 000 d'entre eux, pour chacun de ces 70 000, il y ait avec eux 70 000 autres. Et il mentionne ici, dans la note de bas de page, que Al-Arnaout, il a mentionné que cette chaîne de transmission est faible à cause de à cause d'un des narrateurs, celui qui rapporte selon Abu Bakr, qui est inconnu. Et Al-Mas'oudi, il mentionne qu'il y a un mélange dans la chaîne de transmission. Toutefois, Cheikh Al-Albani, lui, il l'a mentionné comme étant authentique avec d'autres hadiths qui viennent témoigner pour son authenticité dans le livre Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, c'est le hadith 1484. Ensuite, le cheikh, il explique la suite, il dit قوله ثم نهض فدخل منزله فدخل منزله فخاض الناس في أولئك أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. Naam. Donc ici, le cheikh, il mentionne la suite du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et est rentré dans sa maison. Les sahabas ont continué à discuter entre eux à propos de ces 70 000, à savoir qui sont-ils, c'est-à-dire ceux qui étaient présents parmi les sahabas lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce sujet. Et ça indique, comme le cheikh il le mentionne ici, le mérite et l'excellence des sahaba, radiyallahu anhum, puisqu'ils aimaient discuter au sujet de la science et ils faisaient des efforts à comprendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur mentionnait de la religion. Ils faisaient des efforts pour essayer de comprendre ce que ces paroles signifiaient. Et ça, c'est parce qu'ils avaient un désir ardent de le mettre, d'agir selon la connaissance et de mettre cette connaissance en application. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là en disant « كأهل الإيمان والخير إذا ذكرت لهم الفضائل وذكرت لهم الثواب والجنة تشوقوا إلى ذلك وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة وهؤلاء رجال الآخرة أما رجال الدنيا فإنهم ينشطون فإذا ذكرت لهم الدنيا وذكرت لهم التجارة والمكاسب يسألون أين التجارة أين المكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات هممهم الدنيا هممهم دنياهم أما هؤلاء فهمهم آخرتهم فهمهم آخرتهم يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعن عما يسبب لهم دخول الجنة. Donc le cheikh il explique que la caractéristique que les sahaba ont de vouloir toujours comprendre le bien et de connaître le bien, cette caractéristique là, eh bien elle est présente chez les gens de la foi et chez les gens du bien, qui, lorsqu'on leur mentionne les mérites de quelque chose, ou qu'on leur mentionne les récompenses ou le paradis, eh bien, ils ont un grand désir et un grand amour pour tout ce qui peut leur clarifier les œuvres qui vont les faire atteindre cette récompense et qui vont les faire atteindre le paradis. Donc, ces hommes sont les hommes de l'au-delà. Tandis que les hommes de la dunya, eh bien, eux, ils n'ont de motivation que lorsque on leur parle de la dunya. Et lorsqu'on leur mentionne le commerce et les moyens d'obtenir de l'argent, ils demandent par rapport à la vente et au commerce et aux biens et aux choses qu'ils peuvent gagner et aux profits. Et comment faire pour obtenir ces commerces, parce que leur intérêt est uniquement dans la dunya. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire les croyants et les gens de la foi et les gens du bien, les gens de l'au-delà, eux, ils demandent en particulier à propos de ce qui va les sauver de l'enfer, qui va les sauver dans l'au-delà, et à propos des causes de ce qui va les faire rentrer au paradis. Donc ça, c'est quelques caractéristiques à leur sujet. Et il dit ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل. لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. ولكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقول لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. Ici, le cheikh, il mentionne un point intéressant et important. Il dit qu'il y a aussi la preuve dans ce hadith qu'il est permis d'essayer de faire des efforts pour trouver une explication lorsqu'on n'a pas de preuve à propos de quelque chose. Parce que dans ce hadith-là, on voit que les sahaba, ils ont parlé à propos de l'explication du hadith et qui sont les 70 000 selon leur propre effort. Selon leur propre effort de compréhension, malgré qu'il n'y avait pas une preuve explicite à ce sujet. Et le cheikh, il dit parce qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit en se basant sur leurs efforts personnels, en se basant sur leur ijtihad. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas réprimandé d'avoir fait cela. Ne les a pas réprimandés d'avoir fait cela. Mais par contre, le mujtahid, c'est-à-dire le musulman qui fait un effort pour essayer de comprendre quelque chose s'il n'a pas une preuve explicite par rapport à quelque chose, lorsqu'il dit ce qu'il pense, il ne doit pas le dire avec certitude ou avec détermination, comme s'il est certain de ce qu'il dit comme étant la vérité. Mais plutôt, il dit ce qu'il dit en disant probablement ou peut-être que c'est le jugement ou peut-être que le verdict ou la chose est telle ou telle chose. Mais il ne va pas le dire avec fermeté ou avec certitude, comme on voit dans ce hadith-là avec l'exemple des sahaba ici, lorsqu'ils utilisent la formule arabe « la'alla ». « La'alla », c'est-à-dire peut-être, on n'est pas certain, on pense que ça peut être ça, mais c'est pas, peut-être que ce n'est pas ça. Et le cheikh, il explique comme commentaire, cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça. Et il dit « لِأَنَّهُمْ اجْتَهَدُوا فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَكُلٌّ أَدْلَى بِدَلْوِهِ وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِجْتِهَادَ لَهُ أَصْلٌ وَهُوَ إِسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ وَفَهْمِ النُّصُوصِ. » Donc le cheikh, il dit « parce qu'ils ont fait un effort pour connaître la signification du hadith et chacun a versé ce qu'il avait comme idée ou comme pensée par rapport à l'explication. Et il y a la preuve dans ça que il y a une base dans l'islam pour l'ijtihad, c'est-à-dire pour faire un effort d'interprétation et de jugement pour arriver à une compréhension et une connaissance et pour arriver à une interprétation et une compréhension. Il dit, et c'est le fait d'extraire les jugements et de comprendre les textes. Donc il y a une base dans la charia pour ça, et ça c'est une des preuves par rapport à ce sujet. Bien entendu, il y a des principes, il y a des règles à ça. C'est pas quelque chose qui est complètement ouvert, c'est-à-dire n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et le cheikh, il dit justement, cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, il dit « فَالْمُجْتَهِدُ لَا يَجْزِمْ وَلَكِنْ يَقُولُ لَعَلَّ الْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا أَوْ يُمْكِنْ أَنَّ الْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا وَلَا يُجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ » Donc le cheikh, il dit que le musulman qui fait l'effort de jugement, il ne va pas dire quelque chose avec certitude ou avec détermination, mais plutôt il va dire peut-être que le jugement est telle ou telle chose, ou il est possible que le jugement soit de tel ou tel jugement, mais il ne va pas confirmer ou dire ça avec détermination en lui-même, puisqu'il n'est pas certain, il n'a pas de preuve. Ensuite, le cheikh, il explique la suite du hadith. Il dit « وَقَوْلُهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان فيهم من يستشفى بالكي منه، ولا يتطيرون الطيرة والطيرة ولا يتطيرون والطيرة الشرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد يسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم، نعم، ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله فقام عكاشة. Donc on va s'arrêter ici, puis on va expliquer cette partie de l'explication du hadith. Tout ça, on l'avait lu dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan dans l'introduction. Il avait fait une explication résumée du hadith. Et là, on ne fait que revenir sur les points les plus importants avec les explications du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc, ça fait une double revision. Hein. Ça fait que la compréhension est encore plus concentrée, si on veut. Donc ici, le Cheikh, il dit donc, l'explication de la suite du hadith. Alors, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti vers nous. Et il nous a informés. Hein, il nous a informés de qui sont les 70 000. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Akhbarouhu bima dara baynahum minan niqashi fi man hum haoula sab'oun. » C'est-à-dire qu'ils l'ont informé de ce qui s'est produit entre eux comme discussion et échange au sujet de qui sont les 70 000. Et le cheikh dit ensuite, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la réponse. Il leur a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya, qui ne demandent pas qu'on leur fasse les traitements par fer, avec le fer. Et ils ne croient pas en les superstitions et les faux présages, les mauvais présages. Et ils mettent leur confiance en Allah. Le cheikh, il explique en résumé la signification de ces quatre éléments. Premièrement, ils ne demandent pas à quiconque de leur faire la ruqya, c'est-à-dire la yastarqoun. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, la yastarqoun, يعني la yatlubun al-ruqya min ahad. وسئل شيخنا حفظه الله عن حكم طلب الرقية عند الحاجة فأجاب لا بأس عند الحاجة فهي ليست محرمة ولكن ترك طلبها من الناس هذا من كمال التوحيد لأن في سؤال الناس ذلة للناس انتهى رحمه الله. شيخ on lui a posé la question, donc il dit que yastarqoun, ça veut dire le fait de demander à quelqu'un de faire la ruqya pour nous. Et en dessous de ça, il y a une question qui a été posée au cheikh, hafidhahullah, quel est le jugement ou le verdict au sujet de demander à quelqu'un la ruqya lorsqu'on en a besoin. Et le cheikh, il a répondu à ce sujet-là en disant, il n'y a pas de mal de demander cela lorsqu'il y a un besoin. Ce n'est pas interdit. Sauf que de délaisser la demande, c'est quelque chose qui est meilleur. Ça fait partie de qu'est-ce qui est la perfection du tawhid. Parce que le fait de demander aux gens, dans le fait de demander quelque chose aux gens, il y a une certaine un certain rabaissement là-dedans. Donc, la personne qui veut parfaire son tawhid, même s'il en a besoin, elle ne va pas le demander. Elle se fait la ruqya elle-même. Hein? Donc, ça, c'est la différence entre les gens qui ont le tawhid parfait, complet, et ceux qui ont un tawhid hein, qui est yani moins fort. Et ensuite, le cheikh, il explique la suite du hadith, ou la suite de ce point-là. Hein, يعني لا يطلبون الرقية من أحد لأن هذا فيه سؤال للناس وسؤال الناس ذلة ومهما أمكن الإنسان الاستغناء عن الناس فإنه مطلوب جاء في بعض روايات الحديث لا يرقون وهذه الرواية كما قال ابن القيم غلط فالصواب لا يسترقون أما فعل الرقية فهذا عبادة عبادة ليس ممنوعا بل مطلوب. Donc ici le cheikh il explique que il ne demande pas hein, la première catégorie de la première des quatre choses mentionnées, il ne demande pas qu'on leur fasse la ruqya, c'est-à-dire que il ne demande pas aux gens la ruqya parce que dans le fait de demander aux gens il y a un certain rabaissement là-dedans, hein. Et peu importe hein, qu'est-ce que l'être humain fait, s'il est capable d'éviter hein, de demander quoi que ce soit aux gens, et s'il est capable de se passer des gens, eh bien ça c'est quelque chose qui est exigé à la base. Hein. Et il y a dans certaines narrations de ce hadith le terme « yarkoun »,« la yarkoun ». Et « la yarkoun » ça veut dire quelque chose de différent par rapport à « la yastarkoun ».« La yastarkoun » c'est la forme « istif'al » c'est-à-dire le fait de demander quelque chose. Et ici, c'est demander la ruqya. Tandis que la yarqoun, ça veut dire ils ne font pas la ruqya. Et ça, le cheikh, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné dans un de ses livres que cette narration-là, elle est erronée, elle est incorrecte. Et que la narration qui est valide et qui est bonne et qui est correcte, c'est la narration qui dit ils ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya. Parce que le fait de faire la ruqya en soi, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est pas interdit, même que c'est quelque chose qui est exigé, puisque c'est une adoration. Donc il y a du bien là-dedans. Le cheikh, il dit ensuite, أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون. Ils ne demandent pas qu'on leur applique le fer ou qu'on les traite lorsqu'ils ont certains malaises ou certains problèmes de santé, qu'on les traite par le fer chaud. Et on a expliqué déjà que le fer chaud, c'est une technique qui est utilisée dans la médecine traditionnelle qui consiste à appliquer un fer qui est chaud sur certaines parties du corps pour traiter certaines maladies. Le fait de ne pas le faire, c'est quelque chose de préférable, puisqu'il y a dans le fait d'utiliser le fer chaud une forme de châtiment, puisque c'est quelque chose qui est douloureux, hein, qui brûle. Et il dit ensuite, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Ils ne croient pas aux mauvais présages et aux superstitions. Ils ne sont donc pas superstitieux, parce que ça fait partie du shirk. Hein, les superstitions et les mauvais présages, ça fait partie du shirk. Et eux, ils ne font pas attention à ça. Ils ne croient pas en ces superstitions-là. Donc, ils délaissent les superstitions et ils délaissent donc, en partant, le shirk, tout ce qui est shirk. Ils ne demandent à personne quoi que ce soit lorsqu'ils ont un besoin, ils ne demandent à personne ni la ruqya, ni al-kay. Ils délaissent al-kay. S'ils ont besoin d'un traitement, ils ne vont pas avoir recours au fer, hein, même s'ils veulent la guérison. Et qu'est-ce qui les amène à ça? C'est la force de leur confiance en Allah. Et comment ils mettent leur confiance en Allah et comment ils s'en remettent Allah dans toutes leurs affaires. Hein? وَأَنْ لَا تَتَعَلَّقْ قلوبهم بشيء سواه. Hein? Donc, leur cœur ne s'accroche à rien d'autre que à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de vouloir gérer leurs affaires et de décréter dans tout ce qui arrive dans leur vie. Hein? C'est ça. Ils ne mettent leur confiance qu'en Allah et ils n'accrochent leur cœur qu'en Allah dans tout ce qui est dans tout ce qui arrive dans leur vie et dans tout ce qui est décrété pour eux dans leur vie. Et ils ne cherchent personne excepté leur Seigneur. Ils ne désirent personne d'autre que leur Seigneur. Et ils ne craignent personne d'autre que lui. Et ils mettent leur conviction hein, en lui dans tout ce qui leur arrive, en croyant que tout ce qui leur arrive, c'est uniquement parce qu'il a prédestiné et parce qu'il a choisi pour eux. Et donc, lorsqu'ils sont effrayés par quelque chose, eh bien, ils ne se tournent que vers lui. Hein, c'est-à-dire que vers Allah pour être délivré de ce mal. Hein. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Yaqub alayhi salam, lorsque Jacob a mentionné cette parole dans les choses que Allah a mentionnées à son sujet dans le Coran, dans Surat Yusuf alayhi salam, le verset 86. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Hein? Et donc, pour dire que hein, il ne s'en remet que à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout et dans toute chose et dans toute situation. Et il n'espère en personne d'autre qu'en son Créateur. Donc, on a dit le verset 86 dans Surat Yusuf alayhi salam. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je ne plains mon déchirement et mon chagrin qu'à Allah. Hein? Je ne plains mon déchirement et mon chagrin qu'à Allah. Naam. Et la raison de ça, bien entendu, c'est parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut réellement le consoler et le réconforter et lui amener un soulagement et une délivrance dans toute situation, parce que c'est lui le maître de toutes choses. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là, il dit يعني, لا إله أحد من الناس وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. C'est-à-dire, le Cheikh Al-Fawzan, il explique que cette parole de Yaqub alayhi salam, elle signifie je ne me plains à personne d'autre qu'à Allah. Mon déchirement et ma tristesse et mon chagrin, c'est seulement à Allah dont j'en fais part. Hein? Et ensuite, le cheikh, il explique la fin du hadith. Lorsque Ukasha, hein, Ibn Mihsan, il se lève, il dit « قَوْلُهُ فَقَامَ عُكَاشَ Ibn Mihsan فَقَامَ عُكَاشَةُ Ibn Mihsan صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني أسد ابن خزيمة قتله طليحة ابن خويلد شهيدا وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة فقاتل بني أسد لردتها عن الإسلام وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدقوه فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص فصار له في الفرس وقائع معروفة في السير وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة ما شاء الله الله أكبر. Donc le cheikh il explique ici que Ukasha radiyallahu anhu, un d'entre les sahaba, il s'est levé à ce moment-là, hein? Et Ukasha, c'est un noble sahabi, il a été témoin de plusieurs, de presque toutes les batailles avec le messager d'Allah, à partir de la bataille de Badr et toutes les autres avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie de Bani Asad, Ibn Khuzaymah. Et il a été tué par Tulayha ibn Khuwaylid. Donc il est mort martyr. Parce qu'au moment où il a été tué par Tulayha, eh bien Tulayha, à ce moment-là, et il n'était pas parmi les croyants. Il n'était pas parmi les croyants à ce moment-là. Et lorsque Okasha est parti justement à ce moment-là, quand il a été tué, il était parti avec Khalid ibn al-Walid pour combattre les apostats qui avaient abandonné l'islam ou qui avaient quitté l'islam. Et il les a combattus, hein, il les a combattus, il a combattu Bani Assad à cause du fait qu'ils avaient apostasié de l'islam. Et il y avait avec eux, justement, avec la tribu de Bani Assad, il y avait Tulayha qui avait prétendu être un prophète. Et cette tribu avait cru en sa fausse prophétie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Ankasha de mourir par sa main, hein, alors qu'il était mécréant, alors que Tulayha était mécréant. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé cet homme qui est Tulayha, hein, le faux prophète. Il l'a guidé à l'islam, il s'est repenti et il est revenu à la foi. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, « Yani Tulayha irtadda ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wadda'a an-nubuwwah thumma taba ila Allah azza wa jal wa jahada fi sabilillah wa qutila shahidan radiyallahu anhu fi hurubi Faris mithlu Sajah kanat kahina وكانت زوجة زوجة كانت زوجة كانت زوجة لمسيلمة لمسيلمة الكذاب ثم تابت إلى الله وأسلمت. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan à propos de Tulayha que cet homme-là avait apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait prétendu être un prophète. Puis par la suite, il s'est repenti à Allah et il est revenu à l'islam. Il a renié, hein, sa fausse proclamation d'être un prophète et il est revenu à la foi. Puis, il a lutté par la suite, il a fait le djihad dans le sentier d'Allah et il est mort martyr dans les guerres contre les Perses. Et donc, il est mort musulman et il est mort martyr. Hein? Donc, voyez comment Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, même quand quelqu'un s'est égaré, Allah subhanahu wa ta'ala peut le ramener encore une fois, hein, par sa miséricorde. Et il est mort donc, hein, martyr, radiyallahu anhu. Et on dit aujourd'hui, radiyallahu anhu, malgré qu'il a tué Ankasha, ibn Muhsan, donc Ankasha, radiyallahu anhu, il est mort martyr à cause du fait que lui l'avait tué. Puis il est revenu à l'islam, hein. Et, subhanallah, il est mort lui aussi martyr. Donc les deux sont martyrs, les deux sont martyrs, subhanallah. Un, il a tué l'autre et les deux sont martyrs. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yani la rahma d'Allah, la ni'ma d'Allah, comment elle est grande. Hein? Cet événement. Et c'est pour ça, même il y a un hadith qui dit comme ça. Il y a un hadith du professeur sallam qui dit comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il rit de deux hommes. Un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Hein? Subhanallah. Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, et après, Allah l'a guidé donc à l'islam, il est revenu, il a lutté contre les Perses avec Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, et il a eu des événements et des situations très connues dans les livres de la biographie des Sahaba. Hein? Il a fait des grandes choses dans cette bataille, dans ces batailles-là. Donc, c'est Tulayha, hein? Eh bien, il est célèbre pour ses, justement pour ses événements qui lui sont arrivés dans ces batailles-là. Et les grandes choses qu'il a fait durant ces batailles, en particulier, il est mort dans une des batailles qui s'appelle la bataille du pont, hein, Waqatul Jisr, qui est très célèbre aussi dans l'histoire. Et le hadith que j'ai mentionné, justement, C'est le hadith que le cheikh a cité aussi. Il dit, ouais, l'imam fait le hadith. L'imam fait le hadith. Hein, l'imam ja'a fait le hadith. Yadhak Allah ila rajulayn. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Yadkhulan al-jannah. فمعنى ذلك أن الإنسان يكون كافرا فيقتل المسلم ثم يتوب هذا الكافر ويدخل في الإسلام فيدخل الجنة مع من قتله بسبب التوبة والإسلام. سبحان الله. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein? Ici, c'est la version de l'imam Al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit, le hadith? Il dit, Allah rit de deux hommes. Un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Subhanallah. Subhanallah. Ça, tu vois la manifestation, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, hein, uniquement pour nous éprouver et pour nous tester. Nous, on ne connaît pas la fin et on ne connaît pas les choses. Imaginez, hein, peut-être que Allahu a'lam, mais peut-être qu'au jour de la résurrection, quand Ukasha, radiyallahu anhu, il va voir Tuleyha. Hein? Il va le voir au jour de la résurrection, il va dire, c'est toi qui m'as tué. Hein? Et l'autre, il lui a dit, oui, mais après, hein, j'ai cru en Allah. Et je suis revenu à l'islam. Et moi aussi, je suis mort martyr. Allah m'a fait miséricorde. Les deux sont martyrs, subhanallah. Les deux rentrent au paradis. Un a tué l'autre. La ilaha illallah. Ça veut dire, hein? Ça veut dire, on ne sait pas. On ne sait pas la fin des choses. Et on peut pas juger. Hein, les gens jusqu'à ce que leur terme est venu. On ne sait pas comment les gens vont terminer. Peut-être quelqu'un aujourd'hui, c'est un des plus grands ennemis de l'islam et une personne parmi les plus acharnées contre la religion d'Allah, qui déteste l'islam et qui insulte les prophètes, hein, et qui par la suite, pour une raison que Allah connaît et pour une sagesse que Allah connaît dans son cœur, il change, Allah lui met la foi, il lui donne la foi pour une cause quelconque, hein, que seul Allah connaît. Et il se repent, il rentre dans l'islam et il meurt musulman. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de reprises dans la sira, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, les gens, ils ont une haine contre quelque chose, ils le savent même pas, ils savent même pas pourquoi eux-mêmes. Ils ont une rage, ils ont une colère, ils ont une haine contre quelque chose. Si tu leur demandais pourquoi, ils ne pourraient même pas t'expliquer. Hein? Et subhanallah, tout d'un coup comme ça, leur cœur, il change. Et il y a des gens comme ça, j'ai lu une histoire comme ça dans un hadith, un homme qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'étais déterminé à tuer Mohammed. Il dit, j'étais déterminé à tuer Mohammed aujourd'hui. Il dit, je suis arrivé pour aller le tuer. Et quand je suis arrivé devant lui, il a juste mis sa main sur moi. Hein? Et toute ma rage et ma colère et ma haine est disparue d'un seul coup. Et il a dit, j'ai témoigné direct. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'ai entendu récemment une histoire comme ça, un Américain, je pense. Hein? Yani, subhanallah, il détestait les musulmans. Il détestait les musulmans au point même presque, il voulait même tuer les musulmans. Allah al-Musta'an. Il avait même planifié de faire sauter une mosquée ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis à la fin, yani, il a changé. Il est devenu musulman, il s'est converti à l'islam. Maintenant, il prie avec les musulmans. Il prie avec les musulmans, subhanallah. Hein? Donc, on ne sait pas comment les choses terminent. Allah, subhanallah, c'est lui seul qui connaît. Hein? Et c'est lui qui change les cœurs. Hein? Peut-être que quelqu'un, il est dans l'islam aujourd'hui et puis il meurt kafir. Que Allah nous préserve de ça. Donc, c'est pour ça il faut vraiment demander à Thabat. Il faut demander à Allah de nous raffermer, de nous garder sur la foi, de nous garder sur l'obéissance, de nous garder sur la piété, de nous donner la foi et la sincérité et de nous guider à l'islam. Hein? Et d'ouvrir le cœur de ces gens aujourd'hui-là, parmi les gens des koufars qui détestent l'islam. Des fois, tu vois des koufars comme ça qui ont une haine contre les musulmans et l'islam. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala juste change leur cœur. Et mais dans leur cœur l'amour de l'islam et qu'il les aide à voir la vérité, à propos de l'islam et que l'islam c'est la vraie religion d'Allah et qu'ils doivent l'accepter. Franchement, là, parce que tu vois ces gens-là et ils disent des choses sur l'islam, ils critiquent l'islam pour n'importe quoi et des choses vraiment futiles, hein? Et des choses même quand tu regardes dans leur propre religion, dans leur propre livre, et ces choses-là sont confirmées. Les choses que eux ils détestent dans l'islam sont confirmées dans leur livre, dans leur Bible. Hein? Donc, comment vous nous blâmez, nous les musulmans, de croire en des choses que dans vos propres livres, ces choses-là sont confirmées aussi. Sauf qu'ils les ont reniées dans leurs livres, à cause de ça, ils veulent hein, les renier, que nous aussi on les renie. On ne peut pas renier la vérité. C'est pas parce que vous avez renié la vérité que nous, on doit le faire aussi. Ensuite, le cheikh, il dit. فقال هن, قوله فقال يا رسول الله إنما كانت بدعائه فقوله فقال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم فيه أن شفاعة الحي لمن سأل الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى كما كان المشركون كذلك. Donc il dit le cheikh. Donc le cheikh il mentionne ici, il dit: Naam, que ensuite un autre homme s'est levé. Hein? Dans le hadith, on mentionne qu'il y a un deuxième homme qui s'est levé après Ukasha, radiyallahu anhu. Et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il fasse que je sois un d'entre eux moi aussi, c'est-à-dire un d'entre les 70 000. Et le cheikh ici, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique qu'il y a la preuve ici que l'intercession du vivant, hein, c'est uniquement par la demande qu'il fait et l'invocation qu'il fait. Hein, c'est uniquement une demande qu'il fait par son dua, par son invocation. C'est-à-dire, il fait un dua, il demande à Allah. Et le cheikh, il dit ici, cheikh Al-Fawzan, à propos de ça, « Fihi jawazu talab al-du'a min al-hayy al-qadir al-hadir idha kana min ahli al-salahi wa min ahli al-taqwa wa hadha shafa'ah. » وهذا شفاعة أما الميت فلا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا غير ذلك. Donc ici le cheikh il dit, il y a ici la preuve hein, qu'il est permis de demander à une personne qui est vivante, une personne qui est capable, une personne qui est présente de faire une invocation pour nous. Puisque cet homme, ce compagnon, il a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était présent et qu'il était vivant, de faire un dua pour lui, de demander à Allah pour qu'il soit un d'entre les 70 000. Hein? Et il dit, si la personne, donc c'est permis de le faire, c'est permis de demander à quelqu'un qui est vivant, qui est capable et qui est présent, de faire un dua pour nous. Si la personne fait partie des gens du bien, et des gens de la piété, et ça fait partie de l'intercession. Hein? Ça fait partie de l'intercession. Tandis que la personne qui est déjà morte, hein, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Ni une intercession, ni une invocation, ni quoi que ce soit d'autre que ça. Parce que sinon, ça tombe dans le shirk, et ça tombe dans l'idolâtrie, et le fait de prier des morts. Hein? Et on n'a pas le droit de prier un mort. Hein? Ça, c'est du kufr et du shirk. Le cheikh, il dit ensuite, et non, à propos de ça, le cheikh, ensuite, il y a une note en bas de page ici, « Zakara al-Sheikh al-Fawzan, al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahu Allah ta'ala, fi ma'radi raddihi ala al-as'ilati allati fi akhir al-dars, anna talab al-du'a, anna talab al-du'a al-istighna anhu ahsan. » أن طلب الدعاء الاستغناء عنه أحسن وكون الإنسان يدعو لنفسه أحسن، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، يقولون أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرف عمر بهذه الوصية، على أن الحديث فيما أعلم فيه ما قال، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ينهى عن شيء ثم يفعله، لبيان أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici que le cheikh ici en note de bas de page, le cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans les réponses qui sont données à la fin du cours aux différentes questions qui sont posées dans l'origine, c'est-à-dire l'original, c'est-à-dire le à la base de ce livre, c'est des durus, des cours qui ont été enregistrés, et à la fin de chaque cours il y a des questions et des réponses. Donc ici il y a une question qui a été posée au cheikh à propos de la demande de l'invocation à quelqu'un qui est vivant, on lui demande de faire un doua pour nous. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là que le mieux, c'est de ne pas demander à quelqu'un de faire des doua pour nous. Et que c'est mieux que quelqu'un fasse des doua pour lui-même. Et le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, a dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était parti faire la Umrah, ne nous oublie pas, ô petit frère, dans tes bons doua. Il dit que ça c'était parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait honorer Omar par cette demande. Et aussi, il dit qu'il y a aussi des choses qui ont été mentionnées par rapport à ce hadith là en ce qui concerne son wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, en ce qui concerne son authenticité. Il dit aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu clarifier la permission de le demander, c'est-à-dire de la permission de demander à quelqu'un de faire un doua pour nous. C'est pas interdit si la personne elle est vivante et si elle est présente, comme on l'a déjà expliqué. Et ensuite, le cheikh explique que parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va interdire quelque chose, puis il va le faire. Et la raison pourquoi il fait ça, c'est pour clarifier que cette interdiction-là n'est pas une interdiction dans le sens de rendre la chose haram, mais uniquement pour montrer que la chose elle est déconseillée ou détestable, mais pas interdite. Hein? Donc il y a une différence entre tahrim wal karaha. Et quand quelque chose a été mentionné comme étant interdit, puis par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le fait, eh bien ça c'est la preuve que la chose en question elle n'est pas interdite de façon déterminante, mais plutôt qu'elle est détestable. Naam. Donc ça, on le retrouve dans plusieurs exemples dans la sunna. Et ensuite, le cheikh explique, il dit que ça, c'est permis donc de demander à quelqu'un de faire un doua pour nous pendant qu'il est vivant. Mais après la mort, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait, c'est quelque chose qui est interdit. Comme cela est clair à toute personne comme cela n'échappe pas à toute personne qui a une compréhension de la religion. Et cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, لأن الميت لا يقدر على شيء ولا ينفع نفسه وهو ميت فكيف ينفع غيره انتهى عمله إذا مات ابن آدم انقطع عمله الشخصي ويبقى له عمل غيره كالدعاء من حي أو عمل قدمه لنفسه وصار يستمر بعد موته كالوقف الجاري والصدقة الجارية أو العلم الذي نشره ينفعه الله به وهو ميت وهذا من عمله المستمر سبحان الله. C'est comme les gens qui ont écrit des livres, on dit sont publiés post-mortem, c'est-à-dire après leur mort. Et il y a des gens, ça si c'est des livres qui parlent de la foi et qui appellent au bien, donc ça sera des hasanat qui vont rester pour eux. Tandis que si c'est parfois il y a des gens qui font de la musique ou des artistes ou des choses comme ça, ils font des musiques et ils disent ça c'est un album post-mortem, c'est-à-dire l'album a été publié après sa mort. Eh bien, ça c'est grave en réalité, parce que ça veut dire que la personne, même après sa mort, elle va continuer à gagner des péchés, enfin, pas gagner, mais à accumuler des péchés, hein, elle va continuer à accumuler des péchés, même après sa mort, avec ce genre de choses-là. Parce que c'est des péchés qu'elle fait, qu'elle a fait durant sa vie, mais qui n'ont pas été diffusés qu'après sa mort. Donc, Allah Musta'an, c'est grave. Et les gens, ils ne réalisent pas, yani, subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, donc, na'am, le mort, on n'a pas, il n'a pas de pouvoir, hein, il n'est pas capable, il ne peut pas profiter même à sa propre personne. Donc, le mort, il ne peut même pas se profiter à lui-même. Comment il pourrait profiter à quelqu'un d'autre? Ses œuvres sont complétées et c'est fini, hein. Et lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres personnelles s'arrêtent. Et il ne reste pour lui que les actions des autres, soit quelqu'un qui est vivant et qui fait des invocations pour lui, hein, pour que Allah lui pardonne et l'élève en degré, ou ainsi de suite, ou bien les actions qu'il a préparées, qu'il a faites d'avance pour lui-même, hein, durant sa vie, comme une bonne action qu'il avait faite, et qui continue à faire des, à être bénéfique même après sa mort, hein, comme un waqf qui continue après sa mort, ou bien une sadaqa jariya. Une sadaqa qu'il a faite et qui continue à aider les gens même après sa mort. Ou bien une science qu'il a laissée et qui a propagée, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui fait profiter, hein, alors qu'il est mort, mais ça continue encore à travailler pour lui. Donc il continue à gagner des hasanats même après sa mort à cause de ça. Et on va terminer. En fait, il reste presque pas. On a presque fini le chapitre, donc je pense qu'on va essayer d'accélérer un peu. Pour terminer, parce qu'il ne reste même pas deux petits paragraphes, ou même un petit paragraphe seulement. Donc, le cheikh, il dit, donc, quiconque demande à une personne qui est morte ou à quelqu'un qui est absent, alors il lui a demandé ce qu'il n'est pas capable de faire, parce qu'il est mort. Ou bien s'il n'est pas présent, c'est-à-dire quelqu'un est dans un autre endroit, puis toi, tu es à un autre endroit, puis tu lui demandes de faire quelque chose pour toi comme s'il était capable de t'entendre ou de savoir ce que tu veux malgré qu'il est à distance. Donc ça, c'est, hein, c'est pas permis de faire ça. Ça rentre dans le shirk, comme on l'a expliqué. Et il dit, toute personne qui demande à quelqu'un ce que cette personne n'est pas capable de faire, excepté Allah, alors c'est comme s'il l'avait établi comme étant un égal avec Allah et un seigneur avec Allah. Et c'est ce que faisaient les mushrikoun, hein, c'est ce que faisaient les mushrikoun. Et le cheikh, il explique ce point-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ حَتَّى الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَطْلُبُونَ الدُّعَاءَ مِنَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَلَمَّا مَاتَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُونُوا يَذْهَبُونَ إِلَى قَبْرِهِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ الدُّعَاءَ بَلْ كَانُوا يَطْلُبُونَ مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ ويعني يطلب من الله لهم الغيث ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو صديقا أو كان صالحا من الصالحين. Donc ici le cheikh il explique que la preuve qu'on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit à un mort, même le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est la preuve de ça, c'est que les sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, ils allaient le voir et lui demandaient, hein, personnellement et directement des choses, ou bien ils lui demandaient de faire des doigts pour eux, demander des choses à Allah pour eux, parce que le messager d'Allah, hein, ses doigts sont exaucés, donc ils demandent au messager d'invoquer Allah pour eux. Mais lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il n'allait pas à sa tombe pour lui demander quoi que ce soit. Hein. Il ne lui demandait pas non plus de faire des invocations après sa mort. Plutôt, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Abbas, de faire le dua salat al-istisqa. Donc, al-istisqa, c'est quoi? C'est de demander à Allah la pluie. Donc, il disait à al-Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la prière pour demander la pluie à Allah pour eux. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-istisqa. Hein? Et ici, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, tu demandes à Allah la pluie, et si c'était permis de demander quelque chose à un mort, ou de demander l'invocation à un mort, ne serait pas allé voir l'oncle du prophète pour faire l'istisqa, il serait allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe pour lui demander. Ou bien ils auraient demandé yani, au prophète directement. Mais ils n'ont jamais fait ça, au contraire. Ils ont demandé à quelqu'un qui était vivant, parmi les gens qui étaient pieux, parmi les gens qui de bien, hein, de faire la prière et de demander la pluie pour eux. Donc ça, c'est la preuve que hein, ça fait partie des catégories que les ulama ont catégorisées dans les formes de tawassul qui sont permises. Et les formes de tawassul qui sont permises, c'est le fait de demander à quelqu'un qui est vivant d'invoquer Allah, hein, d'invoquer Allah pour nous. Et ici, on voit que yani, les sahabas ont demandé à Al-Abbas de faire des doigts pour eux, pour demander à Allah la pluie. Donc ça, c'est une forme de tawassul qui est licite et qui est permise. Mais les formes de tawassul que les soufis et les gens de bid'a font, c'est de demander à un mort, hein, de demander à un mort de faire des invocations pour eux. Et ça, c'est du shirk. C'est du shirk majeur. Hein? Et ça rentre pas, ça fait partie du tawassul qui est shirk et qui est interdit. Et souvent, les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils essaient de faire parfois, c'est de mélanger les termes qu'ils emploient pour faire croire ou pour faire passer quelque chose qui a un nom qui est licite ou quelque chose qui paraît bien et de le faire passer comme étant quelque chose de correct alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, le terme tawassul, c'est un terme qui n'est pas connu de beaucoup de monde et ou, disons qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et quand les soufis, ils veulent essayer de faire passer le shirk et de faire croire aux gens que ça c'est permis, eh bien, ils leur disent vous pouvez demander à un mort parce que ça c'est le tawassul. Donc, ils essaient de faire croire aux gens que le tawassul, ça consiste à demander un mort, alors que en réalité, le tawassul, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de demander à quelqu'un qui est vivant de faire un doigt pour nous. Et c'est tawassul qui vient du mot wasila, qui veut dire de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit نعم وهذا دليل على أن الميت لا يطلب منه سواء كان نبيا أو صديقا أو كان صالحا من الصالحين. Donc ça c'est la preuve que la personne qui est morte, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit, peu importe qu'il soit un prophète ou une personne véridique ou une personne parmi les pieux. Et ensuite il explique aussi, il dit que donc celui qui demande à autre que Allah quelque chose que seul Allah est capable de faire, eh bien, il l'a pris comme un seigneur avec Allah, comme faisaient les mushrikoun. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, cheikh Al-Fawzan, Man talaba min ahadin shay'un la yaqdiru alayhi illa Allah. Man talaba min ahadin shay'un la yaqdiru alayhi illa Allah, hayyan kana aw mayyitan, hadha shirkun. بأن يطلب أن يشفيه من المرض أو أنه يجلب له الرزق أو يخلق له الولد أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله أو ينزل الغيث ويطلبون من بعض الأشخاص أو من بعض الأموات إنزال الغيث ويشكون إليه ما أصابهم من الجدب يظنون أن هذا الشخص هو الذي يقدر على إنزال الغيث فهذا شرك أكبر والعياذ بالله ولا يسألون الله ولا يستغيثون بالله عز وجل إنما يستغيثون بأصحاب القبور وبالأموات ولا يدعون الله ولا يتضرعون إليه ولا يتوبون إليه مما وقع منهم. Donc le cheikh il explique un point important ici. Il dit que quiconque demande quelque chose à une personne qui demande à quelqu'un, une personne quelconque, de faire quelque chose que seul Allah est capable de faire. Hein? Donc, peu importe, je vais reprendre la phrase, quiconque demande à une personne, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, de faire quelque chose que seul Allah est capable de faire, alors ça, c'est du shirk dans ce cas-là. parce que il demande à une créature de faire ce que seul le créateur est capable de faire. Donc, peu importe que la personne à qui tu demandes est une personne qui est morte ou vivante, dans ce cas-là, c'est du shirk. Comme par exemple, de demander à quelqu'un de guérir la maladie, ou de te donner le risque, ou de te créer un enfant, ou de demander autre chose parmi les choses que seul Allah est capable de faire, comme faire tomber la pluie. Tu dis à quelqu'un, fais tomber la pluie pour moi. Ou bien tu demandes des choses à des gens, ou bien à certaines à personnes vivantes ou des personnes mortes de faire tomber la pluie. Hein? Et tu te plains auprès d'eux que il y a une sécheresse et tu penses qu'ils vont être capables de faire tomber la pluie. Ça, c'est du shirk majeur. Parce que c'est seulement Allah qui peut faire tomber la pluie et c'est seulement à lui qu'on doit demander ce genre de choses. Hein? Donc, il faut uniquement demander à Allah. Tandis que certains parmi les gens de l'égarement, ils ne demandent qu'à des morts, des gens qui sont dans les tombes. Et ils ne vont pas invoquer Allah et supplier Allah et se repentir à Allah, mais ils continuent à demander aux morts. Allah al-Musta'an, ça c'est du shirk. Et le dernier paragraphe, le cheikh dit wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun annahu rabbukum wa khaliqukum ومن قبلكم أصبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة فلا ترغبوا عنه إلى غيره بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه قليل من قليل أو كثير قوله وأنت منهم لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقوله ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعل منهم فقال سبقك بها عكاشة والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لأن لا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى. Donc ici le cheikh il termine ce chapitre en disant et ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez, n'établissez pas des égaux à Allah alors que vous savez, comme c'est le verset 22 dans sourate al-Baqarah, c'est-à-dire alors que vous savez quoi? Alors que vous savez que c'est lui votre Seigneur, que c'est lui seul votre Créateur, et qu'il a créé vous et ceux qui étaient avant vous, et qui vous a couvert de sa grâce, de ses nombreuses grâces, apparentes et cachées. Alors ne cherchez pas d'autres en dehors de lui, et ne vous tournez pas vers d'autres que lui, et purifiez votre adoration tout entière dans toutes ces différentes catégories, dans tout ce que vous lui demandez à lui seul, que ce soit dans des affaires grandes ou petites. Et lorsqu'il dit à Okasha, tu seras un d'entre eux, c'est parce qu'il sait, à cause de ce qu'il sait, de sa foi et de son excellence et de son djihad, de sa lutte. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, وَهَذَا مِنَ الْغَيْبَ الَّذِي أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الرَّجُلْ يَكُونُ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَشْهَدُ لِأَحَدٍ ولو كان من أصلح الناس لا نشهد له بالجنة لكن نرجو له وكذلك لا نشهد على أحد بالنار ولو كان من أفسق الناس لأنه لا ندري ماذا يختم له ولكن نخاف عليه. Donc le cheikh il dit ça fait partie de la connaissance du rêve. Lorsqu'il a dit tu es un d'entre eux, c'est Allah qui lui a fait savoir que cet homme-là serait parmi les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et ça fait partie donc des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que nous, on ne peut pas témoigner pour quiconque, même si c'est la plus pieuse des hommes, la plus vertueuse des personnes, on ne peut pas lui témoigner qu'il sera au paradis. Sauf qu'on va espérer pour lui. De même qu'on ne peut pas témoigner pour quiconque qu'il sera en enfer, même si c'est la plus perverse de toutes les personnes, car on ne sait pas comment il va terminer sa vie. Mais on craint pour lui, on craint pour cette personne. Et comme on a vu tout à l'heure l'exemple de Tuleyha, Tuleyha qui est devenu apostat, qui a abandonné l'islam, qui s'est prétendu prophète et qui a tué Ukashat ibn Muhsan, hein? Et qui à cause de ça, donc Ukasha est mort martyr à cause de lui, et qui après la mort de Ukasha est revenu à l'islam, il a combattu dans le sentier d'Allah, et il est mort martyr lui aussi. Alors les deux sont martyrs, comme on l'a vu, les deux sont morts martyrs, et un a tué l'autre. Subhanallah. Hein? Et après, il dit le cheikh, donc, que le hadith continue en disant que un autre homme s'est levé par la suite. Donc, il dit dans le hadith, ah oh oui, c'est ça. Et avant ça, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des gens qui ont combattu dans la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Hein? Faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Et le cheikh, il explique que Ukasha, il faisait partie de ceux qui ont été dans la bataille de Badr, justement. Donc, il fait partie de ces gens-là. Et ça veut dire que c'est, ça veut dire en réalité ce hadith que yani, le bien qu'ils ont fait et la grandeur de leur effort et de leur sacrifice est tellement grand que peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent faire par la suite, eh bien ça va toujours être pardonné parce que le bien qu'ils ont fait est tellement immense que ça couvre tous les péchés qu'ils peuvent commettre. Hein? Et en même temps, ces gens-là, c'est les gens les plus pieux de toute façon. Hein? Et après, il dit, et un homme s'est levé, un autre homme s'est levé, il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois parmi eux, moi aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, Ukasha t'a dépassé. Hein? Tu t'es fait dépasser par Ukasha. C'est-à-dire, Ukasha l'a demandé avant toi. Et donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui semble ici apparent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu fermer la porte à ça pour que les gens ne se suivent pas les uns les autres à demander hein, de faire l'invocation pour eux. Peut-être qu'ils ne font pas partie de ceux qui le méritent. Et c'est une des façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour, comment je pourrais dire, ta'rid, qu'est-ce qu'on appelle en arabe ta'rid, c'est-à-dire lorsqu'il veut, il utilise une expression où il dit quelque chose pour ne pas blesser quelqu'un, hein, pour ne pas blesser quelqu'un ou ne faire sentir quelqu'un mal, il lui donne une explication qui va le satisfaire, mais en même temps qui ne va pas le blesser ou lui faire du mal, hein, ou lui faire du mal. Et ça fait partie du bon comportement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a pas dit, non, toi, tu ne mérites pas d'être parmi les 70 000. Il lui a dit, Ukasha t'a dépassé. Hein? Et en même temps, ça ferme la porte à tous ceux qui auraient pu se lever par la suite pour dire, oh, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Là, ça finirait plus après. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte de cette façon. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, وَعَلِمَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُوَاجِهُ بِمَا يَكْرَهُ وَهَذَا مِنْ حُسْنِ خُلُقِهِ. Donc il dit, il savait que cet homme ne méritait pas ce degré-là, mais il ne l'a pas affronté par une parole qu'il n'aime pas, mais il lui a dit une parole qui est acceptable. Et ça fait partie du bon comportement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a terminé le chapitre 3. Hein, et donc on va maintenant, à partir du prochain cours, inshallah, commencer le chapitre 4. Bab al-khawfu min ash-shirk, le chapitre au sujet de la crainte hein, et de la peur du shirk. Donc on s'arrête ici, inshallah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.